Puck Jargal de Victor Hugo. Ceci est une lecture de Christophe pour audiocité.net. Chapitre 54. Pressé d'arriver à ce rendez-vous et de savoir par quel merveilleux bonheur mon sauveur m'avait été ramené si à propos, je me disposais à sortir de l'effrayante caverne. Cependant, de nouveaux dangers m'y étaient réservés. À l'instant où je me dirigeais vers la galerie souterraine, un obstacle imprévu m'embarra tout à coup l'entrée. C'était encore Abibra. Le rancuneux Hobby n'avait pas suivi les nègres comme je l'avais cru. Il s'était caché derrière un pilier de roche, attendant un moment plus propice pour sa vengeance. Ce moment était venu. Le nain se montra subitement et rit. J'étais seul, désarmé. Un poignard, le même qui lui tenait lieu de crucifix, brillait dans sa main. À sa vue, je reculais involontairement. « Ha ha, maldito! Tu croyais donc m'échapper? Mais le fou est moins fou que toi. Je te tiens, et cette fois je ne te ferai pas attendre. Ton ami Puck Jargal ne t'attendra pas non plus en vain. Tu iras au rendez-vous dans la vallée, mais c'est le flot de ce torrent qui se chargera de t'y conduire. » En parlant ainsi, il se précipita sur moi le poignard levé. « Monstre ! » lui dis-je en reculant sur la plateforme. « Tout à l'heure tu n'étais qu'un bourreau, maintenant tu es un assassin !»« Je me venge !» répondit-il en grinçant des dents. En ce moment, j'étais assis sur le bord du précipice. Il fondit sur moi afin de m'y pousser d'un coup de poignard. J'esquivais le choc, le pied lui manqua sur cette mousse glissante dont les rochers humides sont en quelque sorte enduits. Il roula sur la pente, arrondi par les flots. « Mille démons !» s'écria-t-il en rugissant. Il était tombé dans l'abîme. Je vous ai dit qu'une racine du vieil arbre sortait d'entre les fentes du granit, un peu au-dessous du bord. Le nain la rencontra dans sa chute, sa jupe chamarrée s'embarrassa dans les nœuds de la souche et, saisissant ce dernier appui, il s'y cramponna avec une énergie extraordinaire. Son bonnet aigu se détacha de sa tête. Il fallut lâcher son poignard, et cette arme d'assassin et la gora sonnante du bouffon disparurent ensemble en se heurtant dans les profondeurs de la cataracte. Abibra, suspendu sur l'horrible gouffre, essaya d'abord de remonter sur la plateforme, mais ses petits bras ne pouvaient atteindre jusqu'à l'arête de l'escarpement, et ses ongles s'usaient en efforts impuissants pour entamer la surface visqueuse du roc qui surplombait dans le ténébreux abîme. Il hurlait de rage. La moindre secousse de ma part eût suffi pour le précipiter. Mais c'eût été une lâcheté, je n'y songeais pas un moment. Cette modération le frappa. Remerciant le ciel du salut qu'il m'envoyait d'une manière si inespérée, je me décidai à l'abandonner à son sort et j'allais sortir de la salle souterraine quand j'entendis tout à coup la voix du nain sortir de l'abîme, suppliante et douloureuse. « Maître ! » criait-il. « Maître ! Ne vous en allez pas de grâce ! Au nom du bon Dieu, ne me laissez pas mourir ! Impénitente et coupable, une créature humaine que vous pouvez sauver ! Hélas, les forces me manquent ! La branche glisse et plie dans mes mains. Le poids de mon corps m'entraîne. Je vais la lâcher ou elle va se rompre. Hélas, maître, l'effroyable gouffre tourbillonne au-dessous de moi. Nombre santo de Dios, n'aurez-vous aucune pitié pour votre pauvre bouffon? Il est bien criminel. Mais ne lui prouverez-vous pas que les blancs valent mieux que les mulâtres, les maîtres que les esclaves ? je m'étais approché du précipice presque ému, et la terne lumière qui descendait de la crevasse me montrait sur le visage repoussant du nain une expression que je ne lui connaissais pas encore, celle de la prière et de la détresse. « Seigneur Léopold !» continua-t-il, encouragé par le mouvement de pitié qui m'avait échappé. « Serait-il vrai qu'un être humain vit son semblable dans une position aussi horrible, pût le secourir et ne le fit pas ? Hélas, tendez-moi la main, maître ! Il ne faudrait qu'un peu d'aide pour me sauver. Ce qui est tout pour moi est si peu de choses pour vous. Tirez-moi à vous, de grâce. Ma reconnaissance égalera mes crimes. » Je l'interrompis. « Malheureux, ne rappelle pas ce souvenir. »« C'est pour le détester, maître !» reprit-il. « Ah, soyez plus généreux que moi, ô ciel ! Ô ciel, je faiblis, je tombe. Ahi, desticado, la main, votre main, tendez-moi la main, au nom de la mère qui vous a porté. » Je ne saurais vous dire à quel point était lamentable cet accent de terreur et de souffrance. J'oubliais tout. Ce n'était plus un ennemi, un traître, un assassin. C'était un malheureux qu'un léger effort de ma part pouvait arracher à une mort affreuse. Il m'implorait si pitoyablement. Toute parole, tout reproche eût été inutile et ridicule. Le besoin d'aide paraissait urgent. Je me baissai et, m'agenouillant le long du bord, l'une de mes mains appuyée sur le tronc de l'arbre dont la racine soutenait l'infortuné Habibra, je lui tendis l'autre. Dès qu'elle fut à sa portée, il la saisit de ses deux mains avec une force prodigieuse et, loin de se prêter au mouvement d'ascension que je voulais lui donner, je le sentis qui cherchait à m'entraîner avec lui dans l'abîme. Si le tronc de l'arbre ne m'eût pas prêté un solide appui, j'aurais été infailliblement arraché du bord par la secousse violente et inattendue que me donna le misérable. « Que fais-tu ? « Je me venge !» répondit-il avec un rire éclatant et infernal. « Je te tiens enfin, imbécile ! Tu t'es livré toi-même ! Je te tiens, tu étais sauvé, j'étais perdu, et c'est toi qui rentres volontairement dans la gueule du caïman parce qu'elle a gémi après avoir rugi. Me voilà consolé, puisque ma mort est une vengeance. Tu es pris au piège, amigo, et j'aurai un compagnon humain chez les poissons du lac. Ah, traître ! Dis-je en me roidissant. Voilà que tu me récompenses d'avoir voulu te tirer du péril. Oui, reprenait-il. Je sais que j'aurais pu me sauver avec toi, mais j'aime mieux que tu périsses avec moi. J'aime mieux ta mort que ta vie. J'aime mieux ta mort que ma vie. Viens !» En même temps, ses deux mains bronzées et calleuses se crispaient sur la mienne avec des efforts inouïs. Ses yeux flamboyaient, sa bouche écumait. Ses forces, dont il déplorait si douloureusement l'abandon un moment auparavant, lui était revenu, exalté par la rage et la vengeance. Ses pieds s'appuyaient ainsi que deux leviers aux parois perpendiculaires du rocher, et il bondissait comme un tigre sur la racine qui, mêlée à ses vêtements, le soutenait malgré lui, car il eût voulu la briser afin de peser de tout son poids sur moi et de m'entraîner plus vite. Il interrompait quelquefois, pour la mordre avec fureur, le rire épouvantable que m'offrait son monstrueux visage. On eût dit l'horrible démon de cette caverne cherchant à attirer une proie dans son palais d'abîme et de ténèbres. Un de mes genoux s'était heureusement arrêté dans une anfractuosité du rocher. Mon bras s'était en quelque sorte noué à l'arbre qui m'appuyait, et je luttais contre les efforts du nain avec toute l'énergie que le sentiment de conservation peut donner dans un semblable moment. De temps en temps, je soulevais péniblement ma poitrine et j'appelais de toutes mes forces. « Bugjargal ! mais le fracas de la cascade et l'éloignement me laissaient bien peu d'espoir qu'il pût entendre ma voix. Cependant, le nain, qui ne s'était pas attendu à tant de résistance, redoublait ses furieuses secousses. Je commençais à perdre mes forces. Bien que cette lutte durait bien moins de temps qu'il ne m'en faut pour vous la raconter. Un tiraillement insupportable paralysait presque mon bras. Ma vue se troublait. Des lueurs livides et confuses se croisaient devant mes yeux. Des tintements remplissaient mes oreilles. J'entendais crier la racine prête à se rompre, rire le monstre prêt à tomber, et il me semblait que le gouffre hurlant se rapprochait de moi. Avant de tout abandonner à l'épuisement et au désespoir, je tentai un dernier appel. Je rassemblais mes forces éteintes et je criais encore une fois « Bugjargal !» Un aboiement me répondit. J'avais reconnu Rask. Je tournai les yeux. Bugjargal et son chien étaient au bord de la crevasse. Je ne sais s'il avait entendu ma voix ou si quelque inquiétude l'avait ramené. Il vit mon Angers. « Tiens bon !» me cria-t-il. Abibra, craignant mon salut, me criait de son côté en écumant de fureur. « Viens donc, viens !» Et il ramassait pour en finir le reste de sa vigueur surnaturelle. En ce moment, mon bras fatigué se détacha de l'arbre. C'en était fait de moi. Quand je me sentis saisir par derrière, c'était Rask. À un signe de son maître, il avait sauté de la crevasse sur la plateforme et sa gueule me retenait puissamment par les basques de mon habit. Ce secours inattendu me sauva. Abibra avait consumé toute sa force dans son dernier effort. Je rappelai la mienne pour lui arracher ma main. Ses doigts engourdis et roides furent enfin contraints de me lâcher. La racine, si longtemps tourmentée, se brisa sous son poids, et tandis que Rask me retirait violemment en arrière, le misérable nain s'engloutit dans l'écume de la sombre cascade en me jetant une malédiction que je n'entendis pas et qui retomba avec lui dans l'abîme. Telle fut la fin du bouffon de mon oncle. Chapitre 55. Cette scène effrayante, cette lutte forcenée, son dénouement terrible m'avait accablé. J'étais presque sans force et sans connaissance. La voix de Bugjargal me ranima. « Frère !» me criait-il. « Hâte-toi de sortir d'ici ! Le soleil sera couché dans une demi-heure. Je vais t'attendre là-bas. Suis Rask !» Cette parole amie me rendit tout à la fois espérance, vigueur et courage. Je me relevai. Le dogue s'enfonça rapidement dans l'avenue souterraine, je le suivis, son jappement me guidait dans l'ombre. Après quelques instants, je revis le jour devant moi. Enfin nous atteignîmes l'issue et je respirai librement. En sortant de dessous la voûte humide et noire, je me rappelai la prédiction du nain au moment où nous y étions entrés. L'un de nous deux seulement repassera par ce chemin. Son attente avait été trompée, mais sa prophétie s'était réalisée. Chapitre 56. Parvenu dans la vallée, je revis Bugjargal. Je me jetai dans ses bras et j'y demeurai oppressé, ayant mille questions à lui faire et ne pouvant parler. « Écoute, me dit-il, ta femme, ma sœur, est en sûreté. Je l'ai remise au camp des Blancs, à l'un de vos parents, qui commande les avant-postes. Je voulais me rendre prisonnier de peur qu'on ne sacrifiât en ma place les 10 têtes qui répondent de la mienne. Ton parent m'a dit de fuir et de tâcher de prévenir ton supplice. Les 10 noirs ne devant être exécutés que si tu l'étais. Ce que Biassou devait faire annoncer en arborant un drapeau noir sur la plus haute de nos montagnes. Alors j'ai couru, Rask m'a conduit, et je suis arrivé à temps, grâce au ciel, tu vivras, et moi aussi. » Il me tendit la main et ajouta, « Frère, es-tu content ? » Je le serrai de nouveau dans mes bras. je le conjurai de ne plus me quitter, de rester avec moi parmi les Blancs. Je lui promis un grade dans l'armée coloniale. Il m'interrompit d'un air farouche. « Frère, est-ce que je te propose de t'enrôler parmi les miens ?» Je gardai le silence, je sentais mon tort. Il ajouta avec gaieté. « Allons, viens vite revoir et rassurer ta femme !» Cette proposition répondait à un besoin pressant de mon cœur. Je me levai ivre de bonheur. Nous partîmes. Le noir connaissait le chemin. Il marchait devant moi. Rasque nous suivait. Ici, d'Auvernais s'arrêta et jeta un sombre regard autour de lui. La sueur coulait à grosses gouttes de son front. Il couvrit son visage avec sa main. Rasque le regardait d'un air inquiet. « Oui, c'est ainsi que tu me regardais, » murmura-t-il. Un instant après, il se leva violemment agité et sortit de la tente. Le sergent et le dog l'accompagnèrent. Chapitre 57. Je gagerais, s'écria Henri, que nous approchons de la catastrophe. Je serais vraiment fâché qu'il arrivât quelque chose à Bugjargal. C'était un fameux homme. Pachal ôta de ses lèvres le goulot de sa bouteille revêtue d'osier et dit « J'aurais voulu, pour 12 paniers de Porto, voir la noix de coco qu'il vida d'un trait. » Alfred, qui était en train de rêver à un air de guitare, s'interrompit et pria le lieutenant Henri de lui rattacher ses aiguillettes. Il ajouta « Ce nègre m'intéresse beaucoup. Seulement, je n'ai pas encore osé demander à d'Auvernay s'il avait aussi l'air de la Hermosa Padilla. » Biassou est bien plus remarquable, reprit Pachal. Son vin goudronné ne devait pas valoir grand-chose, mais, du moins, cet homme-là savait ce que c'est qu'un Français. Si j'avais été son prisonnier, j'aurais laissé pousser ma moustache pour qu'il me prêtât quelques piastres dessus, comme la ville de Goa, ce capitaine portugais. Je vous déclare que mes créanciers sont plus impitoyables que Biassou. À propos, capitaine, « voilà 4 louis que je vous dois !» s'écria Henri en jetant sa bourse à Pachal. Le capitaine regarda d'un œil étonné son généreux débiteur, qui aurait à plus juste titre pu se dire son créancier. Henri se hâta de poursuivre. « Voyons, messieurs, que pensez-vous jusqu'ici de l'histoire que nous raconte le capitaine ?»« Ma foi !» dit Alfred. Je n'ai pas écouté fort attentivement, mais je vous avoue que j'aurais espéré quelque chose de plus intéressant dans la bouche du rêveur d'Auvernay. Et puis, il y a une romance en prose, et je n'aime pas les romances en prose. Sur quel air chanter cela? En somme, l'histoire de Bugjargal m'ennuie. C'est trop long. Vous avez raison, dit l'aide-de-camp de Pachal. C'est trop long. Si je n'avais pas eu ma pipe et mon flacon, j'aurais passé une méchante nuit. Remarquez en outre qu'il y a beaucoup de choses absurdes. Comment croire, par exemple, que ce petit magot de sorcier, comment l'appelle-t-il déjà, Abidba, comment croire qu'il veuille, pour noyer son ennemi, se noyer lui-même? Henri l'interrompit en souriant. Dans de l'eau surtout, n'est-ce pas, capitaine Pachal? Quant à moi, ce qui m'amusait le plus pendant le récit d'Auvernay, c'était de voir son chien boiteux lever la tête chaque fois qu'il prononçait le nom de Bugjargal. « Et en cela, » interrompit Pachal, « il faisait précisément le contraire de ce que j'ai vu faire aux vieilles bonnes femmes de Celadas quand le prédicateur prononçait le nom de Jésus. J'entrais dans l'église avec une douzaine de cuirassiers. » Le bruit du fusil du factionnaire avertit que d'Auvernay rentrait. Tout le monde se tut. Il se promena, quelque temps les bras croisés et en silence. Le vieux Thaddée, qui s'était assis dans un coin, l'observait à la dérobée et s'efforçait de paraître caresser Rasque pour que le capitaine ne s'aperçût pas de son inquiétude. D'Auvernay reprit enfin. Chapitre 58. Rask nous suivait. Le rocher le plus élevé de la vallée n'était plus éclairé par le soleil. Une lueur s'y peignit tout à coup et passa. Le noir tressaillit. Il me serra fortement la main. « Écoute !» me dit-il. Un bruit sourd, semblable à la décharge d'une pièce d'artillerie, se fit entendre alors dans les vallées et se prolongea d'échos en échos. « C'est le signal !» dit le nègre d'une voix sombre. Il reprit. « C'est un coup de canon, n'est-ce pas ?» Je fis un signe de tête affirmatif. En deux bonds, il fut sur une roche élevée. Je l'y suivis. Il croisa les bras et se mit à sourire tristement. « Vois-tu ? » me dit-il. Je regardai du côté qu'il m'indiquait et je vis le pic qu'il m'avait montré lors de mon entrevue avec Marie, le seul que le soleil éclairât encore, surmonté d'un grand drapeau noir. Ici, d'Auvernay fit une pause. J'ai su depuis que Biassou, pressé de partir, et me croyant mort, avait fait arborer l'étendard avant le retour du détachement qui avait dû m'exécuter. Bugjargal était toujours là, debout, les bras croisés, et contemplant le lugubre drapeau. Soudain, il se retourna vivement et fit quelques pas, comme pour descendre du roc. « Dieu ! Dieu, mes malheureux compagnons !» Il revint à moi. « As-tu entendu le canon ?» me demanda-t-il. Je ne répondis point. « Eh bien, frère, c'était le signal. On les conduit maintenant. » Sa tête tomba sur sa poitrine. Il se rapprocha encore de moi. « Va retrouver ta femme, frère. Rask te conduira. » Il siffla un air africain. Le chien se mit à remuer la queue et parut vouloir se diriger vers un point de la vallée. Bugjargal me prit la main et s'efforça de sourire, mais ce sourire était convulsif. « Adieu !» me cria-t-il d'une voix forte, et il se perdit dans les touffes d'arbres qui nous entouraient. J'étais pétrifié. Le peu que je comprenais à ce qui venait d'avoir lieu me faisait prévoir tous les malheurs. Rask, voyant son maître disparaître, s'avança sur le bord du roc et se mit à secouer la tête avec un hurlement plaintif. Il revint en baissant la queue. Ses grands yeux étaient humides. Il me regarda d'un air inquiet, puis il retourna vers l'endroit d'où son maître était parti et aboya à plusieurs reprises. Je le compris. Je sentais les mêmes craintes que lui. Je fis quelques pas de son côté. Alors il partit comme un trait en suivant les traces de Bugjargal. Je l'aurais eu bientôt perdu de vue, quoique je courusse aussi de toutes mes forces si... de temps en temps, il ne se fût pas arrêté comme pour me donner le temps de le rejoindre. Nous traversâmes ainsi plusieurs vallées, nous franchîmes des collines couvertes de bouquets de bois, enfin... La voix de d'Auvernay s'éteignit. Un sombre désespoir se manifesta sur tous ses traits. Il put à peine articuler ces mots. Poursuit à des... car je n'ai pas plus de force qu'une vieille femme. » Le vieux sergent n'était pas moins ému que le capitaine. Il se mit pourtant en devoir de lui obéir. « Avec votre permission, puisque vous le désirez, mon capitaine, il faut vous dire, mes officiers, que, quoique Bugjargal, dit Pierrot, fut un grand nègre bien doux, bien fort, bien courageux, et le premier brave de la terre, après vous, s'il vous plaît, mon capitaine. Je n'en étais pas moins bien animé contre lui, ce que je ne me pardonnerai jamais, quoique mon capitaine me l'ait pardonné. Si bien, mon capitaine, qu'après avoir entendu annoncer votre mort pour le soir du second jour, j'entrai dans une furieuse colère contre ce pauvre homme, et ce fut avec un vrai plaisir infernal que je lui annonçais que ce serait lui ou, à défaut, 10 des siens qui vous tiendraient compagnie et qui seraient fusillés en matière de représailles, comme on dit. À cette nouvelle, il ne manifesta rien, sinon qu'une heure après il se sauva en pratiquant un grand trou. D'Auvernet fit un geste d'impatience. Thaddée reprit. « Soit. Quand on vit le grand drapeau noir sur la montagne, comme il n'était pas revenu, ce qui ne nous étonnait pas, avec votre permission, mes officiers, on tira le coup de canon de signal, et je fus obligé de conduire les 10 nègres au lieu de l'exécution, appeler la bouche du grand diable, et éloigner du camp environ... Enfin, qu'importe. Quand nous fûmes là, vous sentez bien, messieurs, que ce n'était pas pour leur donner la clé des champs. Je les fis lier, comme cela se pratique, et je disposais mes pelotons. Voilà que je vois arriver dans la forêt le grand nègre. Les bras m'en tombèrent. Il vint à moi tout essoufflé. « J'arrive à temps, » dit-il. « Bonjour, Thaddée. » « Oui, messieurs, il ne dit que cela, et il alla délier ses compatriotes. J'étais là, moi, tout stupéfait. Alors, avec votre permission, mon capitaine, il s'engagea un grand combat de générosité entre les Noirs et lui, lequel aurait bien dû durer un peu plus longtemps. N'importe. Oui, je m'en accuse. Ce fut moi qui le fis cesser. Il prit la place des Noirs. En ce moment, son grand chien, pauvre Rasque, il arriva et me sauta à la gorge. Il aurait bien dû, mon capitaine, s'y tenir quelques moments de plus, mais Pierrot fit un signe et le pauvre dogue me lâcha. Hugues Jargal ne put pourtant pas empêcher qu'il ne vînt se coucher à ses pieds. Alors, je vous croyais mort, mon capitaine. J'étais en colère, je criais. Le sergent étendit la main, regarda le capitaine, mais ne put articuler le mot fatal. Hugues Jargal tombe. Une balle avait cassé la patte de son chien. Depuis ce temps-là, mes officiers, et le sergent secouait la tête tristement, depuis ce temps-là, il est boiteux. J'entendis des gémissements dans le bois voisin. J'y entrai. C'était vous, mon capitaine. Une balle vous avait atteint au moment où vous accouriez pour sauver le grand nègre. Oui, mon capitaine. Vous gémissiez, mais c'était sur lui. Hugues Jargal était mort. Vous, mon capitaine, on vous rapporta au camp. Vous étiez blessé moins dangereusement que lui, car vous guérîtes, grâce aux bons soins de Madame Marie. Le sergent s'arrêta. D'Auvernet reprit d'une voix solennelle et douloureuse. Hugues Jargal était mort. Thaddée baissa la tête. Oui, dit-il, et il m'avait laissé la vie, et c'est moi qui l'ai tué. Fin de Hugues Jargal de Victor Hugo.